J'aime ce pays où j'ai grandi, ce pays que traverse la Seine, que j'aperçois depuis mes fenêtres, dans l'air bleu des belles matinées, dans l'air bleu des belles matinées. Cette Seine peuplée de bateaux qui naviguent de Rouen au Havre et défilent devant ma maison encore une journée magnifique, encore une journée magnifique. Apparut un convoi de navires, parmi eux un trois-mâts brésilien, que je me surpris à saluer, tant il me faisait plaisir à voir, tant il me faisait plaisir à voir. my new horizons out to sea. But I'm never gonna lose your precious gift. It will always be that way. Cause I know I'm gonna find my peace of mind someday. Where is this place that we have found? Nobody knows where we are bound. I long to hear, I need to see, cause I've shed tears too many for me. Day breaks, your mind aches, you find that all the words of kindness linger on when she no longer needs you. She wakes up,

me.

Thank you.

De bénévoles désirant développer une relation d'entraide et d'amitié avec une personne vivant certaines incapacités. Pour quelques heures de temps libre par semaine, vous pourrez faire de belles activités en compagnie d'une personne filleule. En devenant parrain ou marraine civique, vous l'aiderez à briser son isolement. Informez-vous au 527 80 97 ou au cpcq.ca. Amateurs de rareté et d'exclusivité, explorateurs curieux et navigateurs musicaux aguerris, Simon Savard vous donne rendez-vous les mardis soirs de 21h à 22h30. La Marge, une vision unique sur des artistes établis et de la relève, les mardis à 21h. Seulement 89.1. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Hi. Alors, depuis 20h30, vous avez entendu sur l'émission L'Opinion du Chef plusieurs choses. C'est bien certain. Alors, on a entendu Dogs de Pink Floyd, en tout cas, du moins une partie de cette pièce. J'espère que ça vous a plu. Tout juste avant Dogs, on a entendu Fountain of Salmasus, c'était Genesis avec Steve Aikett à la guitare. C'était son premier disque avec Genesis sur le disque Nursery Crime. Je salue tous ceux et celles qui étaient au concert de Steve Aikett vendredi soir passé et qui avaient du monde. Je suis sûr qu'il y avait plusieurs d'entre vous qui étaient là. Et certains aussi que vous avez passé une bien belle soirée en sa compagnie. Tout juste avant Fountain of Salmasis, on a entendu White Eagle, c'était Tangerine Dream. Et on avait débuté le bloc avec Waiting the Porcupine Tree. Et Tangerine Dream a été un des groupes, selon Steve Wilson, qui a influencé grandement sa carrière avec Pink Floyd. Alors, c'est un petit peu ce lien-là que je voulais faire. Donc, vous écoutez depuis 20h l'opinion du chef à CKRL, c'est Denis Barry qui est là. Je suis là jusqu'à 22h et j'espère que vous passez une belle soirée. On continue comme ça en musique jusqu'à, c'est ça, 22h. Bonne soirée. J'espère que vous allez bien. Si vous êtes dans un retour, je vous souhaite un beau, beau, beau retour. Thank you.

minutes left. Fang's frantic pause told the tale of his sin. Far off the chase shrieked revenge. Outcast he trespassed where no wolf may tread, the last sacred haunt of the dead. He learned of a truth which only one wolf may know, the scepter and crown of the king. Howling for blood, one eye leads on the pack, plunging through forest and snowstorm. Was the only escape. A wolf never flees in the face of his foe. Fang knew the price he would pay. One eye stood before him with the crown upon his head, set to raise to deal the deadly blow. Thank you.

separate glances meet. I am you, and what I see is me. Until I take you by the hand and lead you through the land and help me understand the best I can. And no one calls us to move on, and no one forces down our eyes. No one speaks and no one tries. No one flies around the sun. Le temps nous manque, chers amis, pour nous terminer cette merveilleuse pièce de Echoes au stade de Pompéi. On la reprendra. C'était Denis Barry depuis 20h avec l'opinion du chef. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Je vous souhaite une belle, longue fin de semaine de l'Action de grâce. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à 20h pour une autre édition de l'opinion du chef. Dans quelques instants, c'est l'équipe de Ton oreille à soif qui s'amène sur les ondes. Alors, je vous prie de les garder près de vous. Alors, je vous souhaite une belle, comme je vous le disais, une belle fin de semaine. Au revoir.